Chatix, Yozo. Not nice. Yeah. Les gems come again. Tant sa femme, tant sa femme, tant sa femme. En papier sti, bo, l'homme just fait chalet pour m'en payer mon trou. Bouk me fait ding, ding, dong. En l'air bon dame, mon con en cloche, chanté A, B, C, D. Oui, 1, 2, 3, tête fille à chaper. À prison, P, compté. Combien aller virer? Bouk me l'en jet, maman. Ouais, frère, du lit ou bien pas du lit. Bah, mon en manche pilon. Pain, pi, fromage ou épi jambon. Sacré ti cochonni. Ou en jour, oh la kati lili. Bouk za fait tout pour sa bon kiki. Mais ou pas carré ou pas ka souris. Faut qu'il fait bulle, ululul. Pas besoin pilule, call me Hercule, ululul. Papier sti bidule, faut qu'il fait bulle, ululul. Pas besoin pilule, call me Hercule, ululul. Papier sti bidule. Ou pe crier, moi vaillant, crier moi-même. Au micro, papa, j'en dis que mon mignon parce que pequeni ni sentiment. Pété choui, quand elle t'a découvert, oui. Elle aime sa femme, l'en dit, moi pas qu'à si c'est qu'on dit yozo, il dit joncté. Femme l'homme, teste tes corps, nous qu'elle viré, branche, oui, femme l'homme. Teste tes corps, nous qu'elle viré, papa, j'en dis, ou pas qu'à faire surtout les ou joint, en fait qui paraît pour faire mal. Papa, j'en dis, ou pas qu'à faire surtout les ou joint, en fait qui pour faire mal. Moi, t'en boy, moi dis, gardez mon demoiselle la kamate, moi dis, soukwe, les moi gardez. Yo t'es kaoulé, c'est bon pas ça là ça enragé. Bon pas chaud et bon pas palader. C'est comme ça là ça monnaie pour lever. Lever fessier, fais ça maté. Qui fait moi ça pour ça faire ça. Venez là pour ça maté ça. Pas qui top en laisse son talent. N'a pas menti ou ça brenne ça. Cette liste yo ka oui mais ça. Pas de loup yo ka juke ça. Matinique yo ka croise ça. Les bassons t'es beau dans en 3K. Jet maman, ouais frère douli ou bien pas douli. Bah mon nom mange pilon. Pain pi fromage ou et pi jambon. Sacré ti cochonni. Ou en genre la kati lili. Bouk za fait tout pour ça bon. Kiki, mais ou pas carré ou pas ka souris. Faut qu'il fait bulle, ululul. Pas besoin pilule, call me Hercule, ulululul. Pas pièce ti bidule, faut qu'il fait bulle, ulululul. Pas besoin pilule, call me Hercule, ulululul. Pas pièce ti bidule. Chatix, Yozo. Not nice. Yeah. Les gems come again. Tant sa femme, tant sa femme, tant sa femme.